Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Paradise, une petite cité californienne, ressemble aujourd'hui à l'enfer. Pratiquement 90% de la ville a été brûlée, comme si rien ne pouvait arrêter désormais les incendies de forêt. Quand Donald Trump souffle sur des braises encore chaudes et se fait rincer sur les réseaux sociaux. À Paradise, ville de Californie ravagée par un gigantesque incendie, le président américain a fait la leçon ce week-end. Le sinistre aurait été moins dévastateur, a-t-il dit, si l'État avait pris exemple sur la Finlande dans la prévention des feux de forêt. J'étais avec le président de la Finlande et il a qualifié son pays de nation forestière. Il passe beaucoup de temps là-bas à ratisser et à nettoyer, entre autres choses. Et ils n'ont aucun problème là-bas. C'est un très petit problème, donc je sais que tout le monde regarde ça. Des déclarations accueillies avec surprise à Helsinki. Le président finlandais a démenti de tels propos. Je lui ai dit que la Finlande est un pays couvert de forêts, mais que nous avons un bon réseau d'alerte. Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont emparés du sujet. À coups de râteau ou d'aspirateur, ils se moquent du président américain. Les services d'urgence finlandais ont remis des pendules à l'heure. Le bois mort n'est pas enlevé à cause des risques d'incendie, mais pour être transformé en source d'énergie. Super fail. Renaud Barbereau, vous êtes chercheur à l'IRSTEA, l'Institut de recherche en sciences et technologies de l'environnement. Il y a une chose qui est certaine, sans parler de la Finlande, on pourra en parler tout à l'heure si vous le souhaitez. Il y a un lien entre le réchauffement climatique et la multiplication des feux de forêt, la puissance de dévastation aussi de ces forêts. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Oui, évidemment, il y a un lien. C'est une question très, très intéressante, même si c'est toujours difficile hein, d'attribuer un feu spécifique au réchauffement global. Cela dit, lorsqu'on injecte du CO2 dans l'atmosphère, la température du globe, elle augmente. Ça, c'est de la physique élémentaire. Et lorsque la température augmente, toute chose égale par ailleurs, l'aridité augmente. Donc il y a des études qui ont montré, par exemple, qu'en l'absence du réchauffement climatique d'origine humaine, la sécheresse en Californie, par exemple, qui a eu lieu entre 2012 et 2014, aurait été beaucoup moins sévère. Elle aurait été 15 à 20% moins sévère. Et cette tendance, elle va se poursuivre dans le futur. On assistera probablement l'an prochain ou plus tard à un retour vers des conditions plus humides, puis une nouvelle sécheresse va de nouveau apparaître, et elle sera sans doute plus sévère que la précédente, et ainsi de suite. Et si on se focalise sur les forêts, on constate qu'il y a un lien très fort entre l'intensité de la sécheresse et la quantité de surface brûlée chaque année. Il y a des travaux récents, d'ailleurs, aux États-Unis, qui ont montré que la moitié de l'augmentation des surfaces brûlées au cours des trois dernières décennies, je crois, était attribuable directement au changement climatique. Donc oui, il y a un lien évident. Un lien évident et du coup des inquiétudes sur l'avenir, puisqu'on peut imaginer que si le réchauffement climatique ne cesse pas, s'il n'y a pas plus de pluie, puisque c'est apparemment là aussi un lien, ces incendies de forêt vont se multiplier, pas seulement en Californie bien entendu. Tout à fait. On peut s'attendre à ce que le risque augmente dans de nombreuses régions du monde. Alors, vous savez, dans nos recherches, on regarde tout simplement les conditions météorologiques et climatiques au moment où ces feux sévissent, et on regarde comment ces conditions vont évoluer dans le futur, en fonction de différents scénarios d'émissions. Et on voit tout simplement que le risque d'incendie, il est bien plus faible dans un scénario où on réduit nos émissions de carbone. Et si on regarde un scénario, on va dire, plus réaliste, hein, dans lequel on continue sur notre trajectoire actuelle, hein, en brûlant des énergies fossiles, on voit que le risque d'incendie, tout simplement, il augmente. Donc on verra plus d'incendies, par exemple, comme ceux qui se sont produits lors de l'été 2003, hein, en France et en Europe. Hein. En France, on avait plus de 70 000 hectares qui ont brûlé lors de la canicule de 2003. Et ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est un allongement de la saison à risque, avec des conditions climatiques favorables aux feux qui ne se limiteront plus au mois de juillet-août, mais qui auront tendance à se produire plus tôt dans la saison, dès le mois de mai-juin, et qui persisteront plus tard dans la saison jusqu'au mois de septembre-octobre, ou plus tard, hein, comme on le voit actuellement en Californie. Ce qui nous amènera à repenser, redimensionner les stratégies de lutte contre les incendies. Alors, quels sont les moyens de lutter contre ces incendies de forêt ? Alors, il y a plusieurs moyens de lutter contre l'incendie. La première solution, tout simplement, elle consiste à augmenter les ressources des services opérationnels. Donc, tout simplement, plus de matériel et plus de personnel pour lutter contre le feu. C'est ce que font les États-Unis depuis plusieurs années, mais visiblement, c'est pas forcément la bonne stratégie. Alors, c'est des politiques qui ont fonctionné dans le passé en France. Par exemple, en France, on a vu que le nombre de feux a diminué au milieu des années 90 grâce à des politiques de prévention. On a mobilisé d'importants moyens humains et matériels. Mais on a vu que l'année 2003, elle s'est soldée par un énorme pic de feu. Donc, c'est des politiques qui ont leurs limites. Surtout quand plusieurs incendies démarrent en même temps à des endroits différents. Et cette situation, elle sera de plus en plus fréquente avec le réchauffement climatique. Alors ça, c'est par exemple ce qu'explique The Economist cette semaine. Il explique tout d'abord que la plupart des incendies de forêt ont lieu dans des endroits, dans des pays pauvres. 2% seulement des terres brûlées par des feux de forêt le sont en Amérique du Nord, 67% en Afrique. Ce qui veut dire que il se pourrait que l'on ne soit pas informé sur la majorité des incendies de forêt en réalité, Renaud Barbereau. Alors, ce sont des incendies très différents. Il faut savoir qu'en Afrique, la plupart des incendies n'ont pas forcément lieu dans des forêts, mais plutôt dans des savanes. Et ce sont généralement des feux de brousse, des feux liés à des pratiques agricoles. Donc, ce sont des feux qui n'ont pas du tout les mêmes impacts que ceux qu'on voit actuellement en Californie. Ce qui veut dire que les moyens de lutter là aussi contre ces feux de forêt seraient très différents ? Oui, tout à fait. C'est plus lié à des pratiques agricoles ou culturelles. Donc c'est totalement différent. On peut vraiment pas comparer ce qu'on voit actuellement sur le continent africain avec les feux des moyennes latitudes, notamment dans le nord de l'Amérique, ça inclut les États-Unis et le Canada, ou ce qu'on voit en Europe et en Russie. Alors, il y a quand même un autre bémol qui est apporté dans The Economist. Le magazine explique que la plupart des feux de forêt peuvent être combattus par des surfaces transformées en surfaces cultivées. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, vous aussi, observé, Renaud Barbereau ? Oui, alors, c'est vrai que ça peut sembler paradoxal, mais un facteur aggravant dans certaines forêts des États-Unis, c'est la suppression systématique des feux qui a contribué justement à une accumulation de végétation. C'est toujours un peu compliqué, mais disons que certaines forêts dans le passé brûlaient chaque année avant que nous supprimions systématiquement ces feux. Or, ces feux étaient pour la plupart des feux de surface peu intenses qui brûlaient uniquement la strate la plus basse de la végétation. Or, depuis qu'on a supprimé ces feux, la végétation s'est accumulée. Et lorsqu'un feu se déclenche, il peut à présent se propager jusque dans la canopée. Et ces feux-là, qu'on appelle des feux de cime, sont beaucoup plus importants que des feux de surface. Donc, effectivement, l'utilisation des sols est très importante. Et de la même façon, c'est très important de mettre en place des coupe-feux. Ce qui signifie, Renaud Barbereau, que la multiplication de ces feux et la violence de ces épisodes est quelque chose contre quoi on ne va pas réussir à lutter. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc, comme je disais, il faut trois ingrédients pour qu'un feu se propage. Le premier ingrédient, c'est la source d'ignition, donc qui est souvent liée dans les paysages méditerranéens comme dans le sud de la Californie aux activités humaines. Donc ici, en l'occurrence, c'était la chute d'un poteau électrique. Et on sait qu'il y a une pression démographique qui va augmenter. Donc il y a et il y aura de plus en plus de départs de feu à l'avenir. Le deuxième ingrédient, c'est la présence de matière combustible, c'est-à-dire la végétation qui va ensuite alimenter le feu. Et on voit que dans de nombreux pays, il y a une déprise agricole et donc un embroussaillement qui contribue à la propagation du feu. Et le troisième ingrédient, ce sont les conditions climatiques et météorologiques qui contrôlent la sécheresse des sols et des végétaux. Et on sait que ces conditions vont devenir de plus en plus propices à la propagation du feu dans le futur. Ce qui veut dire, Renaud Barbereau, qu'il faudrait peut-être d'autres lois. On sait par exemple qu'il est interdit de construire sur des zones inondables. Est-ce qu'il faudrait là aussi imposer ou bien une distance minimale des forêts ou bien imposer par exemple l'élagage, parce qu'on voit que cet incendie à Paradise, il a été extrêmement meurtrier. Oui, tout à fait. C'est un des facteurs aggravants avec le développement de l'urbanisme dans les zones forestières. On a augmenté tout simplement le nombre d'ignitions. Et ensuite, nous construisons des maisons très souvent en bois en Californie, dans des zones d'interface avec la forêt. Alors ces zones sont très jolies, très attractives, mais ce sont aussi des zones à risque. Et très peu de personnes prennent la responsabilité de débroussailler autour de leur maison pour essayer de maintenir une zone tampon entre la forêt et les habitations, ce qu'on appelle des coupe-feux. Et en l'absence de ces coupe-feux, le feu peut se propager d'une maison à l'autre. C'est ce que nous avons vu malheureusement sur de nombreuses photos aériennes ces derniers jours. Donc effectivement, il faudrait peut-être plus de réglementation, de législation pour ne pas construire dans certaines zones à risque ou imposer un débroussaillement obligatoire, ce qui est le cas en France. Il y a des obligations légales de débroussaillement qui sont de 50 mètres autour des habitations. Dernière question, Renaud Barbereau. Est-ce qu'il y a une collaboration aujourd'hui entre les pompiers et les climatologues ? Oui, alors historiquement, cette collaboration, elle existe aux États-Unis. On voit beaucoup de pompiers qui mènent ensuite des carrières de scientifiques, qui intègrent des laboratoires de recherche. Mais on voit aussi l'inverse, hein, des scientifiques qui travaillent sur le feu et qui se rapprochent ensuite des services opérationnels. Malheureusement, cette collaboration, elle est un peu moins évidente dans d'autres pays, notamment en Europe. Mais c'est indispensable si on veut améliorer la lutte et mieux comprendre les facteurs qui sont à l'origine de ces grands incendies. Merci beaucoup Renaud Barbereau. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRSTEA, l'Institut de recherche en sciences et technologies de l'environnement. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Audrey Guélil à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.